deuxième temps de notre série consacrée à la jeune recherche en histoire, pendant laquelle nous recevons des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui ont soutenu leur thèse récemment et pour la plupart cette année. Ce matin, nous recevons une historienne et deux historiens dont le point commun est d'avoir travaillé sur les rapports entre l'État central français et les communautés plus petites en ces temps de manifestations qui mettent l'accent sur l'incompréhension d'un pouvoir central vis-à-vis de demandes venant de la base et du local. Nous allons donc réfléchir avec Séverine Liattard qui a préparé cette émission et qui l'animera avec nous sur la longue durée aux capacités d'autonomie des communautés locales dans le cadre révolutionnaire, par exemple avec Côme Simien qui vient de remporter un prix pour sa thèse sur l'école élémentaire et les instituteurs pendant la Révolution française, dans le cadre colonial aussi avec Edens Morris, auteur d'une thèse sur l'école dans la vieille colonie, entre guillemets, de Guyane, et avec Julie Marquet qui soutient demain, elle, sa thèse sur la justice dans les établissements français de l'Inde. Bonjour Séverine Liattard. Bonjour. Bonjour à vous Julie Marquet. Bonjour. Vous interviendrez en dernière partie de cette émission. Bonjour Edens Morris. Bonjour. Et bonjour à vous qui êtes le premier de ces trois jeunes chercheurs et chercheuses à intervenir dans cette émission. Côme Simien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est quoi ce prix que vous avez reçu il y a un peu plus de trois semaines en tant que jeune chercheur justement ? C'est le prix du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques et de la Fondation des Travaux Historiques et Scientifiques de l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Voilà. Eh ben c'est très bien pour cette thèse qui s'intitule « Des maîtres d'école aux instituteurs ». Vous l'avez soutenue il y a maintenant un peu plus d'un an. En décembre 2017. Voilà. Donc, « Des maîtres d'école aux instituteurs », une histoire de commune, de république et d'éducation entre lumière et révolution. Vous avez démarré un tout petit peu avant la Révolution française, aux alentours des années 1760. Et vous terminez donc en 1802, cette histoire très importante sous la direction de Philippe Bourdin. Vous étiez déjà intervenu dans la Fabrique de l'Histoire pour nous parler de Lyon révolutionnaire, c'était il y a quelques temps. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment votre gros travail de thèse qui s'interroge et qui reprend des travaux anciens, pourrait-on dire. En particulier, on pense à ceux de Furet et Ozouf sur les maîtres d'école, pour vous interroger sur ce changement de statut entre le maître d'école de l'Ancien Régime et l'instituteur de la Révolution française, mais aussi sur le rôle des communautés locales dans le rôle qu'elles ont joué dans la promotion ou dans le conflit qu'ils pouvaient avoir avec un État qui se voulait de plus en plus centralisateur pendant la Révolution française. Oui, la question est partie en fait d'essayer de comprendre pourquoi les écoles privées à la fin de la Révolution française l'avaient de beaucoup emporté sur les écoles publiques. Et l'interprétation traditionnelle était une interprétation politique de dire que les écoles privées étaient le refuge de la contre-révolution, d'opinions conservatrices, religieuses. Et en retournant aux sources, il m'a semblé plutôt que autour de la question du succès de l'école privée se cachaient des dynamiques communautaires, locales, des enjeux cristallisé autour de l'école par les communautés d'habitants dans les villages qui remontait au moins au milieu du XVIIIe siècle et à l'appropriation par ces communautés villageoises, une appropriation très forte de la fonction de maître d'école et de l'école élémentaire. Ce qui vous fait d'ailleurs, Côme Simien, vous intéresser davantage au rôle du maître. Vous dites, vous sortez de la classe révolutionnaire, des murs hein, de la classe révolutionnaire, pour vous intéresser justement au rôle de ces instituteurs qui vont avoir un rôle également au-delà de leur simple fonction d'enseignant, par exemple. Oui, parce que c'était une des limites. Pour l'historiographie s'était beaucoup intéressée à ce qui se passait dans la salle de classe, puisque ces recherches relevaient beaucoup de recherches en histoire de l'éducation. En fait, le maître d'école exerce une fonction très composite, où on retrouve à la fois son enseignement dans sa salle de classe, mais il est également chantre à l'église, il est aussi bedeau, sacristain. Secrétaire de mairie, déjà sous l'Ancien Régime, il est sonneur des cloches villageoises, il est remonteur de l'horloge publique, donc il a une infinité de fonctions ça, communautaires. C'est un beau métier, remonteur de l'horloge publique. Oui. Oui, des horloges qui apparaissent justement au XVIIIe siècle dans les communautés rurales. Ouais. Et donc, vous avez pour cela fait un véritable travail de fourmi, qui est le travail aussi du thésard, pourrait-on dire, en parcourant les archives départementales de la Somme, du Bas-Rhin, de la Côte d'Or, du Rhône, de la Drôme, du Puy-de-Dôme, du Tarn, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vendée, de l'Eure-et-Loire, du Finistère, et ça s'arrête là, mais vous auriez pu continuer encore beaucoup, surtout en travaillant à partir d'une matière qui est très variée, pourrait-on dire, pour l'historien. Il y a à la fois des réglementations, des projets de réforme. Pendant la Révolution, il y a beaucoup de projets de réforme qui surgissent de la part d'acteurs du local qui veulent réformer au niveau national les choses, et en particulier en matière d'éducation, et pas simplement Condorcet. Et vous allez donc, à partir de toute cette matière, mais aussi de livres de classe, de façon dont on enseignait, quelquefois, parfois aussi, de listes d'élèves dans ces classes locales, eh bien, vous allez essayer de comprendre ce qui se joue entre ces communautés locales et la Révolution française, communautés locales qui ont un pouvoir, avant même la Révolution, sur la nomination de leur maître d'école. Oui, alors, avant la Révolution française, les évêques catholiques avaient essayé déjà de s'approprier le pouvoir de nommer le maître d'école, de le destituer et d'organiser son école. C'était un des aspects de la réforme catholique au XVIIIe siècle et d'une volonté d'évangéliser en profondeur les masses rurales. Et très tôt, en fait, les communautés rurales avaient, dès le milieu du XVIIIe siècle, essayé de s'affranchir de ces tutelles épiscopales et royales aussi, puisque les intendants du roi avaient aussi essayé de contrôler l'école. Et en fait, à la fin de l'Ancien Régime, déjà, les communautés rurales avaient très bien su, par des stratégies d'évitement, contourner ces tutelles, on pourrait dire extra-villageoises, pour s'approprier leur fonction de maître d'école, parce qu'elles mettaient en jeu, justement, l'existence du groupe de manière symbolique et assez variée. Et du coup, lorsque la Révolution arrive, les communautés rurales ont déjà une habitude ancienne du contournement des autorités extra-villageoises. Et la Révolution française, elle, lorsqu'elle arrive, dès 89-90, va penser quelque chose qui n'existait pas sous l'Ancien Régime, en tout cas pas pour les écoles élémentaires, c'est le principe de l'État instructeur, l'idée de mettre en place une éducation nationale. Et là, il y a une sorte de hiatus entre les députés à l'Assemblée nationale qui veulent établir une institution vraiment nationale sous le contrôle de l'État et des administrations de l'État dans les départements, et les villageois qui, eux, vont vouloir, au contraire, s'affranchir de ce principe de l'État instructeur. C'est la décentralisation. Oui, alors... D'une certaine manière. Alors l'État cherche à centraliser la question de l'éducation, et les communautés rurales vont savoir, pas en infraction à la loi, mais dans le cadre de la loi, s'affranchir de ces tutelles étatiques par divers moyens, notamment l'école privée. Et d'où cette nécessité aussi, vous dites bien comme Simien, de travailler avec une histoire à rebours, justement de ne pas simplement s'attaquer à la Révolution française, mais de remonter plus loin, pour comprendre aussi sur une génération d'enseignants ce qui se passe. Il y a une mémoire longue en fait, de ces enseignants et de leurs pratiques. Oui, parce que pendant la Révolution française, en fait, rejoue des problèmes plus anciens. Simplement, les autorités qu'il s'agit d'éviter ont changé sous l'Ancien Régime, donc plutôt les évêques, les intendants, plutôt les départements, l'État, les représentants du peuple en mission aussi, parfois du côté des communautés villageoises. Mais il y a des habitudes anciennes qui ont été prises dès l'Ancien Régime, qui ensuite vont être réactualisées pendant la Révolution autour de nouveaux objectifs. Et par ailleurs, effectivement, il y avait d'autant plus la nécessité de partir à rebours pour comprendre l'école de la Révolution française, que la très grande majorité des instituteurs pendant la Révolution française étaient en fait déjà en place à la fin de l'Ancien Régime. Alors il y a quelque chose de fort intéressant, c'est effectivement, vous insistez beaucoup là-dessus, la volonté de régénérer la nation, donc cette nation qui s'institue à ce moment-là en tant que nation souveraine, il faut la régénérer et on a besoin de gens justement qui vont régénérer, comme dans le domaine militaire par exemple, avec les jeunes contingents que l'on va mettre en place avec des jeunes militaires qui vont être formés à un nouvel art de la guerre d'une certaine façon dans l'art révolutionnaire, eh bien on va faire la même chose avec des jeunes têtes qui vont rentrer dans ces écoles. Il y a cette phrase de Fouché qui est assez extraordinaire, faire dans ce monde et non dans l'autre son bonheur et celui de ses semblables, donc avec la poursuite du bonheur qui est nécessaire, mais cette poursuite du bonheur, elle va passer par une nouveauté, pourrait-on dire, la création même de ces instituteurs, puisqu'on ne les appelle plus des maîtres d'école à partir de ce moment-là. Oui, c'est une des premières décisions scolaires de la Révolution française en décembre 1792. C'est d'ailleurs un des premiers points sur lesquels les révolutionnaires sont d'accord entre eux à propos de l'école, c'est de dire que désormais les maîtres d'école s'appelleront instituteurs, qui a un sens lourd, hein, puisque instituteur, c'est celui qui institue la cité, techniquement, et le terme d'instituteur sous l'Ancien Régime était utilisé pour désigner celui qui faisait l'éducation du dauphin, c'est-à-dire du futur souverain de la France. Donc on fait descendre au plus bas de la nation, on fait descendre justement la capacité de précepteur de celui qui va créer le roi, enfin fonder le roi. Techniquement, voilà, désormais le souverain, la souveraineté n'est plus dans le monarque, elle est dans la nation, et donc l'instituteur est toujours celui qui fait l'éducation du souverain, mais du souverain populaire désormais. Et donc on parle d'instituteur, et les instituteurs, ce qui est intéressant, c'est que eux-mêmes vont s'approprier très vite cette nouvelle titulature de leur métier, dès avant que la loi les y contraigne, ils vont s'approprier cette nouvelle façon de faire qui leur donne une dignité sociale et professionnelle beaucoup plus grande quelque part. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est la peur, dites-vous, que cette révolution en marche ne puisse pas aller jusqu'au bout, jusqu'à son terme, justement, dans cet homme nouveau ou cette femme nouvelle que l'on veut créer. Et donc la difficulté, justement, de se dire il y a des obstacles partout, on ne va pas y arriver. Et donc on est toujours dans une sorte d'urgence. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'on n'arrive pas à avoir, comme vous l'avez dit à l'instant même, de lois vraiment sur lesquelles tout le monde s'entende avant 1792, voire 1793. La première véritable loi scolaire, celle qui réorganise l'instruction publique d'un point de vue révolutionnaire, va seulement arriver à la toute fin du mois de décembre 93. Il y aura donc eu 5 rentrées scolaires pendant la Révolution, hors de toute loi révolutionnaire. Et pourtant, les révolutionnaires commencent à en parler à l'Assemblée nationale constituante dès l'automne 89. Mais il y a des points de blocage. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il doit y avoir des écoles primaires, que ces écoles primaires doivent être publiques, qu'elles peuvent être gratuites. Mais il y a des points de blocage. Par exemple, ils n'arrivent pas à s'entendre s'il faut un seul niveau d'instruction publique, s'il en faut 5, comme dit Condorcet par exemple. Ils n'arrivent pas à savoir non plus si pour certains, l'école primaire, l'enseignement élémentaire doit être obligatoire. Certains sont pour, d'autres contre. Certains voudraient que l'école publique soit la seule qui existe. D'autres défendent la liberté d'enseignement. Et donc si tous sont d'accord autour de l'idée de créer des écoles primaires, les blocages sont tels que, eh bien, il faut attendre 5 années scolaires avant qu'une première loi soit adoptée. Et ce qui est le plus étrange, c'est qu'effectivement pendant ce temps-là, eh bien, au plus bas de l'État, donc dans les communes, dans ces anciennes paroisses, eh bien, on va continuer à gérer soi-même son propre instituteur et on va avoir une sorte d'autonomie sous la tutelle d'un État qui se veut pourtant centralisateur et que ça va commencer à aller un peu plus mal à partir du moment où justement cette centralisation va s'instituer dans la loi. Oui, parce qu'en gros, en 89, les anciennes communautés d'habitants de l'Ancien Régime sont remplacées par les communes et les municipalités. Et ces communes, ces municipalités obtiennent un large degré d'autonomie dans la gestion de leurs affaires. Comme les évêques disparaissent, comme les intendants disparaissent, comme il n'y a pas encore de loi scolaire révolutionnaire, ces municipalités et ces communes vont avoir les mains libres pour gérer leur école. Et quand la première loi scolaire arrive à l'automne 93, c'est-à-dire au moment a priori de la centralisation jacobine maximale, cette loi va être très décentralisatrice. C'est la loi Bouquier, c'est ça ? La loi Bouquier, exactement. Elle est très décentralisatrice parce qu'elle attribue aux municipalités les pleins pouvoirs en matière de surveillance de l'école. Et donc, en fait, la première école publique de notre République française va être une école totalement municipalisée dans les principes, dans la pratique même, alors qu'on est au moment de la centralisation maximale. Et un an plus tard, cette loi est annulée et remplacée par une autre, la loi dite la Canale, qui va créer pour la première fois... 27 Brumaire en 3, c'est voilà, ça. Voilà, à l'automne 94. Et cette loi à la fois crée pour la première fois un système scolaire dual, public-privé, et en même temps elle attribue aux instances administratives, donc à l'État central, le plein pouvoir sur les écoles publiques. Et c'est à ce moment là que les communautés villageoises vont se détourner de l'école publique pour aller vers l'école privée. Oui, comme vous dites, il y a encore un système d'école privée, hein, évidemment. Et c'est pas forcément, d'ailleurs, entre enseignants, cette question de la religion n'est pas forcément cloisonnée. Vous le dites bien, certains instituteurs du public enseignent la religion ou en tous les cas ne sont pas complètement athées et vice-versa, contrairement à ce qu'on aurait pu penser ou ce que les recherches, en tous les cas, avaient travaillé auparavant. Oui, alors... En fait, c'est seulement à partir de l'automne 94 que les écoles privées existent. Jusque-là, il n'y avait pas de distinguo. Il n'y avait même que des écoles publiques dans le cadre de la loi Bouquier. Et quand les écoles privées existent, donc elles vont rencontrer tout de suite, à partir du printemps 95, un beaucoup plus grand succès que les écoles privées. Mais ce qui est intéressant, que les écoles publiques, pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les opinions des instituteurs privés et publics, les livres de classe qu'ils utilisent dans leur école, on se rend compte qu'entre 40 et 50% des instituteurs privés ont en fait des principes républicains et utilisent des ouvrages en tout ou en partie républicains, alors que 30% des instituteurs publics sont déclarés par les autorités comme fanatiques, utilisant seulement des livres confessionnels. Donc en fait, le partage public-privé, à ce moment-là, repose pas du tout sur des bases, ou en tout cas pas exclusivement sur des bases politiques et confessionnelles. On trouve de l'enseignement révolutionnaire dans les écoles privées comme de l'enseignement confessionnel dans les écoles publiques. Expliquer du coup que les parents, justement, vont préférer mettre leurs enfants dans les écoles privées. Alors, c'est une vaste question, mais ce qu'est le constat, finalement, qui avait été fait On peut essayer d'y répondre simplement. Les écoles publiques, à partir du printemps 95, sont totalement sous la tutelle des districts puis des départements, donc du pouvoir central qui nomme les instituteurs, qui définit les premières cartes scolaires de la République, qui rédige aussi des règlements scolaires qui sont valables pour l'ensemble du département. C'est-à-dire que les écoles publiques vont être totalement arrachées à la sphère des compétences communales, qui peuvent plus rédiger leurs propres règlements scolaires, qui peuvent plus choisir librement leur maître d'école. Par contre, les instituteurs privés, la loi les a autorisés, donc c'est pas une infraction à la loi que de recruter un instituteur privé, mais la loi n'a rien dit vraiment clairement sur leur surveillance. Et du coup, les communautés villageoises vont se tourner vers ces écoles privées comme d'un moyen de perpétuer leurs anciennes usages traditionnels. Anciennes coutumes, pourrait-on dire. Et leurs anciennes pratiques collectives de l'école. Donc on se réunit en communauté d'habitants, en assemblée générale des communautés d'habitants pour choisir son instituteur privé. On choisit de faire d'imposer localement tous les habitants du village pour recruter l'instituteur privé. On lui assigne des fonctions comme secrétaire de mairie, etc. Et finalement, les écoles privées à la fin de la Révolution, c'est une sorte d'école publique, mais d'échelle communale, tout simplement. Ça, c'est votre trouvaille, effectivement, dans votre thèse, qui peut faire trembler d'une certaine manière, parce qu'effectivement, en remontant à ses origines de la Révolution française et de la République, vous chamboulez, pourrait-on dire, la vision que l'on a, qui est essentiellement issue de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, justement, de cette séparation entre écoles privées riches et surtout contre-révolutionnaires ou contre-républicaines ou anti-républicaines, et puis d'autre côté, des écoles publiques qui défendraient la République. Là, c'est un peu plus complexe quand on vous lit. C'est plus complexe, mais c'est une logique qui est surtout propre au monde rural, pour le coup, où donc vraiment cette école privée fonctionne comme une institution locale totalement appropriée par les habitants et qui, du coup, est mise à l'écart des instances extra-villageoises. Et ça permet aussi aux assemblées villageoises, aux communautés villageoises, de continuer d'exister à un moment où les communes elles-mêmes ont disparu à l'époque du Directoire, à la fin de la Révolution française. Ça permet aux habitants d'avoir une occasion de se réunir pour délibérer entre eux, pour continuer d'avoir une existence politique. Par contre, dans le monde des villes, la séparation public-privé se fait sur d'autres bases. Les filles sont davantage scolarisées dans les écoles privées que dans les écoles publiques dans les villes. Les classes aisées vont davantage dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Mais ça, c'est un partage urbain qui est peut-être plus conforme à la lecture qu'on a pu en faire plus tard. C'est pas un partage rural. Par contre. Et puis, tout de même, ce sur quoi vous insistez, c'est ce régime qui est souvent apparu, quand on n'y regarde pas de près, comme étant faible, le régime du Directoire, dont vous insistez sur le fait qu'il est, au contraire, à la manœuvre pour étatiser, pourrait-on dire, l'instruction publique, pour la rendre homogène sur l'ensemble du territoire national, alors qu'on pensait effectivement que ça pourrait revenir au premier temps de la Révolution. Ça n'est pas le cas. Non, mais le Directoire est, au-delà de la question de l'école, un moment de forte centralisation étatique. Et cette volonté de centraliser les choses, cette volonté aussi de mettre sous tutelle les autonomies locales qu'on retrouve un peu dans tous les domaines. Et d'ailleurs, les municipalités, les communes, comme je le disais tout à l'heure, sont supprimées par la constitution de l'an 3. Eh bien, on la retrouve dans le domaine scolaire. En fait, on a une sorte de mise en pratique scolaire du principe centralisateur propre au Directoire. Au point d'ailleurs que ce Directoire, à la fin, en 1798-99, craint tellement ces écoles publiques qu'il va les surveiller, voire les sur-surveiller, dites-vous, comme si bien. Oui, ce qui est intéressant, parce que en fait, longtemps, les autorités du Directoire n'ont pas été très inquiets des écoles privées. On pensait que les écoles privées ne représentaient pas un grand risque. En l'an 3, en l'an 4, en l'an 5, on ne s'en inquiète pas. Et puis soudainement, dans le sillage du coup d'État de Fructidor en 5, le premier coup d'État républicain pour sauver la République face aux royalistes, d'un coup, on va chercher à expliquer les difficultés du Directoire. Pourquoi le royalisme progresse? Pourquoi la République ne s'ancre pas? Et là, on va trouver la clé d'interprétation dans la religion, dans les prêtres, mais aussi dans les maîtres d'école et surtout dans les instituteurs privés qui deviennent soudainement, à l'automne 97, hiver 98, les sortes de nouvel ennemi intime de la République et s'imposent au sommet de l'État une lecture de l'école privée confessionnelle, contre-révolutionnaire, réactionnaire, qui en fait n'est pas du tout en prise avec la réalité, mais qui témoigne surtout de la volonté des autorités centrales à Paris de donner un sens aux difficultés que traverse la République. Merci Côme Simien, vous venez de remporter un prix pour votre thèse soutenue le 9 décembre de l'année dernière, des maîtres d'école aux instituteurs, une histoire de commune, de république et d'éducation entre lumière et révolution, sous la direction de Philippe Bourdin. On aura le plaisir de la lire en édition un de ces jours. Aux éditions du CTHS, je travaille voilà. À la question. Merci, merci beaucoup. France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Et Séverine Yattard qui reçoivent dans le contexte de notre série consacrée à la jeune recherche avec des gens qui viennent de soutenir leur thèse cette année ou l'année dernière, et bien qui reçoivent maintenant Edens Morris. Bonjour Edens Morris. Heureux, bonjour. Vous êtes donc vous-même donc historien, vous venez de soutenir, c'était en juin dernier votre thèse sur faire école dans une vieille colonie entre guillemets, parce que c'est une expression pour parler de la Guyane en l'occurrence, et vous êtes donc dans la lignée, dans la foulée pourrait-on dire, de ce que vient de dire Côme Simien, mais dans un contexte tout à fait différent, le contexte de la colonisation. Vous intéressez à la façon dont l'école est un enjeu dans les années entre 1920 et les années 1950 est un enjeu justement pour la République dans un territoire extrêmement lointain qu'il faut pourtant administrer. Et c'est le cœur de votre travail de thèse, Edens Morris. Oui, alors d'abord je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité de présenter mes travaux. Et ensuite, en écoutant Côme, je me suis dit que certes, j'ai travaillé sur le cadre colonial, mais Côme aurait très bien pu faire sans doute la même thèse en s'intéressant à la Guyane, puisque au final, la Guyane est un territoire qui a connu toutes les vicissitudes de l'histoire nationale. Mmh. La Guyane a connu la Révolution française, a connu ce que Côme décrivait, cette municipalisation de l'enseignement. Et donc, un des premiers enjeux de ma recherche doctorale a été un petit peu de contribuer à ce débat un petit peu virulent qui oppose en quelque sorte le local, le local et le central, mais aussi d'une certaine façon ceux qui défendent une histoire mondiale de la France et ceux qui entendent plutôt restaurer le sens de la nation, défendre un projet assimilationniste et sans doute réduire au silence ce qu'ils appellent le communautarisme. Mmh. Alors, il faudrait peut-être commencer par, puisque vous travaillez sur le rôle d'acteurs en particulier, de fonctionnaires, mais ce sont les enseignants. Quelle est la situation des enseignants, alors guyanais et métropolitains, en Guyane, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Tout va se jouer, se tisser, s'articuler et devenir conflit à partir de ce moment-là. D'accord. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que aujourd'hui, on a toujours tendance à décrire une scène coloniale qui opposerait les locaux aux métropolitains. Alors d'abord, le terme métropolitain n'est pas du tout utilisé dans la période... On appelle ça les Européens. Les Européens, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les Européens, on peut parfaitement intégrer les acteurs créoles qui sont les principaux enseignants de cette école. Oui, parce qu'il y a une troisième catégorie, pourrait-on dire, ce sont les autochtones de l'Inini, par exemple, donc qui sont très peu nombreux et qui, d'une certaine façon, sont rejetés ou sont marginalisés par les deux autres catégories, la catégorie des créoles, expliquez-vous, Edens Morris, et la catégorie dite des métropolitains ensuite. Oui, absolument. Et donc, on trouve finalement des formes de je trouve pas le terme exact là comme ça, mais créole et européen arrivent effectivement à s'entendre pour des rejeter formes de convergence, les tribus indigènes. Merci Séverine Liattard. Et donc pour donner des exemples concrets de comment fonctionne cette école, d'abord on a des enseignants créoles qui peuvent enseigner à un public créole et européen, mm-hmm. et inversement. Ensuite on trouve les mêmes programmes qui sont en vigueur dans ce que l'on appelle l'espace métropolitain. et puis des formes d'originalité, de spécificité très républicaines. En 1923, un inspecteur des colonies établit un rapport sur le fonctionnement de ce système éducatif et il observe que la mixité fonctionne déjà dans cet espace, dans l'ordre secondaire, autrement dit à peu près une quinzaine d'années avant le lycée Marcelin Berthelot, qui est censé être la grande figure de la mixité dans l'espace métropolitain. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que, en fait, on est obligé de maintenir cette mixité parce que sans la présence des filles, le lycée n'existerait plus. Et dans cette thèse que vous avez faite sous la direction de Romain Bertrand à Sciences Po, vous insistez beaucoup sur les contraintes géographiques, en particulier l'éloignement, qui, d'une certaine façon, permet aux acteurs d'avoir là aussi une autonomie par rapport aux influences métropolitaines. Et permet donc d'avoir une sorte de marge d'appréciation de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire entre les préfets, par exemple, les inspecteurs d'académie, qui ne vont évidemment pas dans la Guyane profonde et en particulier très loin dans la jungle, en l'occurrence en Amazonie. Donc, au bout du compte, vous travaillez beaucoup sur ces marges d'appréciation, en l'occurrence, Edens Morris. Oui, c'est vrai. On a tendance à oublier que la Guyane, c'est approximativement 100 000 km², donc c'est immense, dont 90% recouverts par la forêt amazonienne. Et donc cet espace n'est jamais, et encore aujourd'hui me semble-t-il, maîtrisé par l'État. Mais en même temps, sur la bande littorale, profondeur de 30 à 40 km, on trouve une élite locale qui est parfaitement rompue au jeu politique, au jeu républicain. Gaston Monnerville, figure la plus connue, soutient une thèse de droit dans les années 20, mais c'est pas le seul. Dans l'espace guyanais, on a un maire d'une petite commune qui a déjà soutenu également un doctorat de droit. Et tout ça pour dire que on a un conseil général qui est tout à fait capable de contester le pouvoir central. Et le pouvoir du préfet, en l'occurrence. Et le pouvoir du préfet lorsqu'elle est départementalisée, mais dans l'espace colonial, c'est le gouverneur. Et donc, sont tout à fait capables de obtenir, en quelque sorte, son rapatriement en Europe. Mais ce que vous montrez, Edens Morris, c'est que les enseignants vont devenir cette nouvelle élite guyanaise qui peut se permettre de contrer justement les décisions du gouverneur. C'est la nouvelle classe politique. D'ailleurs, vous montrez que les partis de gauche qui vont se former dans les années 50-60, quatre d'entre eux sur sept, je crois, sont dirigés par justement des enseignants. Oui, et ce sont eux qui vont être à la pointe et pour combattre justement le système précolonial de fonctionnement, je ne sais pas comment le dire. Oui, je sais, c'est difficile, moi aussi, j'ai pas le terme exact pour qualifier ce système. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, il me semble qu'il y a là encore une continuité républicaine, puisqu'on a longtemps parlé d'une république des instituteurs. On faisait référence à Mona Ouzouf tout à l'heure, et ce qu'on observe absolument, c'est que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a un processus qui voit les enseignants s'emparer réellement du pouvoir politique et des principales fonctions politiques du département. Notamment en dénonçant le statut inégalitaire, parce que quand même, être enseignant métropolitain et être enseignant guyanais sous-entend une différence statutaire. Et c'est là-dessus qu'ils vont lutter, et ça va devenir une lutte idéologique et politique, plus générale. Absolument, oui. On est bien dans un cadre colonial, néanmoins, et ce cadre colonial peut se lire, effectivement, dans des inégalités salariales assez importantes, dans des inégalités d'accès aux congés. De titularisation, effectivement. Et donc, ces différences statutaires, socio-professionnelles, vont être un outil majeur pour qualifier une situation qui serait coloniale, qui se maintiendrait et identifier en quelque sorte une identité guyanaise post-coloniale. Ce qui est absolument passionnant dans votre travail, Edens Maurice, c'est que vous y travaillez, et je pense que Julie Marquet pourrait nous dire la même chose pour la période du 19e siècle qui est la sienne quand elle interviendra tout à l'heure. Vous y travaillez les circulations intra-coloniales. Vous expliquez très bien combien il peut y avoir des inspecteurs d'académie qui sont originaires de Guadeloupe ou de Martinique à certains moments. Il y a des circulations intracoloniales et vous complexifiez d'une certaine façon les idées que l'on se fait justement de cette question de la domination coloniale sur le territoire sur lequel vous travaillez, la Guyane, en vous intéressant justement à ces marges d'autonomie, à ces capacités d'autonomie, à ce qu'on appelle traditionnellement désormais, enfin dans l'université française, dans les centres de recherche, l'agency, la gentilité, la capacité d'agir, on en a déjà parlé hier avec une de nos intervenantes, pour pouvoir justement montrer comment eh bien, on joue de cette tutelle, comment on s'accommode de cette tutelle et comment on peut en sortir à certains moments, Edens Maurice. Oui, absolument. L'idée, effectivement, était de rompre avec les perspectives qui ont longtemps prévalu dans l'analyse de l'école aux colonies, qui serait celle du caractère systématiquement dérogatoire. Ce que j'observe, c'est que en Guyane, on revendique une forme d'autonomie scolaire en mobilisant l'exemple des cadres alsaciens et mosellans qui existaient au lendemain de la Première Guerre mondiale. Évidemment, les accommodements multiples que l'on peut obtenir, et puis j'insiste, cette idée que la République n'aurait pas tenu ses promesses, alors que finalement, dans les années 20, nous avons déjà des bacheliers en Guyane, des taux de scolarisation primaire qui atteignent 25%. Alors il me semble, Julie pourra peut-être le confirmer, que ces taux ne sont atteints en Indochine que 20 ans plus tard, l'Indochine qui est pourtant considérée comme le joyau de l'Empire. Bref, ce que j'ai montré, ou ce que j'ai voulu montrer, effectivement, c'est la complexité de cette situation coloniale. C'est vrai, Ignata. Dans votre recherche, du coup, vous faites aussi place au rôle des acteurs, hein, et notamment alors, de ces enseignants politisés. Et je pense à cette figure de Justin Cataillé, qui est donc enseignant, qui va devenir leader du parti, d'un des partis autonomistes, et député en 1958. Et là, à partir du moment où il y a une représentation politique de ces enseignants, ils vont pouvoir aussi, enfin, leurs revendications vont pouvoir peut-être s'accomplir, être entendues davantage. Oui, Justin Cataillé, premier enseignant à accéder à la députation et fondateur du Parti Socialiste Guyanais, sans doute l'un des plus anciens partis socialistes. Il parle à SFIO, hein, d'ailleurs. Hein, oui, absolument. Il crée son propre parti. Oui, ça aussi, il y a une forme d'autonomisation politique. Oui, vous avez tout à fait raison. Hein, il quitte la SFIO en indiquant que les problèmes guyanais ne peuvent pas être résolus à Paris. Ils doivent le faire en Guyane, à Cayenne. Et ce parti existe toujours et ce parti est devenu effectivement dominant en défendant la thèse d'une autonomie de la Guyane, mais au sein de la République. Et c'est donc tout ça, cette espèce de paradoxe, parce que finalement ils sont profondément français, mais aussi profondément régionalistes. Et ils rentrent aussi en conflit du coup avec les anciennes élites bourgeoises guyanaises, qui sont plutôt départementalistes et qui vont plutôt s'allier avec l'administrateur colonial sur place. Oui, absolument. Et donc, ce que j'essaye de montrer, vous avez raison, c'est ce conflit au sein même des élites dans l'espace guyanais qui se joue. Donc, cette lecture du colonial, comme expliquait Emmanuel, ne peut pas simplement se réduire à cette opposition noir-blanc, métropolitain versus créole, mais met en jeu de nombreux conflits au sein des élites locales. Ce que j'ai observé, c'est qu'on a aussi une forme d'opposition entre créole guyanais et créole antillais, donc une complexité folle. Oui, vous expliquez bien par exemple qu'effectivement il y a des Européens qui sont payés comme des cadres locaux en tant qu'enseignants par exemple, donc ça n'est pas simplement parce qu'on est guyanais ou parce qu'on est créole qu'on serait moins bien payé. Il y a des créoles guyanais qui parviennent à avoir des statuts différents aussi dans leur rémunération ou dans leur statut. Et vous travaillez, alors on va peut-être conclure avec vaccin sur ça, Edens Morris, avec d'autres, à réfléchir plus largement sur cet espace colonial d'outre-mer, justement, en travaillant avec des gens qui travaillent sur la Nouvelle-Calédonie, sur d'autres espaces donc coloniaux de la France à l'outre-mer, parce que il vous paraît intéressant, justement, de comparer les situations et pas rester sur le cas simplement guyanais, Edens Morris. Oui, oui, je pense évidemment à Marie Salin, qui a travaillé sur la Nouvelle-Calédonie et désormais sur Tahiti, Benoît Trépied, Stéphanie Guyon sur la Guyane. Et l'idée, effectivement, est que l'outre-mer nous semble un excellent laboratoire de ce que on peut appeler la République. Et peut-être revenir sur cette idée de centralisation jacobine maximale qui, sans doute, a été pensée uniquement dans les bureaux parisiens et n'a jamais eu les moyens qu'ils soient financiers, humains et techniques de s'appliquer partout. Et donc, on vous retrouve entre autres dans la revue Outre-mer, c'est cela, où vous écrivez aussi, où il y a, enfin, vous participez à des groupes de recherche avec sur la question de l'Outre-mer, ou Edens Morris, non? Non, je ne participe pas à la revue Outre-mer, bon. Enfin peut-être. Mais que j'aimerais aussi. Et c'est votre cas, Julie Marquet? Oui, c'est mon cas. On a eu la chance de pouvoir coordonner un numéro sur la présence française en Inde avec Pierre Singaravelu et Blake Smith. Voilà, et on va y revenir tout de suite avec vous sur ce point. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Troisième invité de cette émission consacrée à la jeune recherche, donc après Koum Simien et ses instituteurs de la Révolution française, après Edens Morris et ses instituteurs et professeurs de la Guyane au XXe siècle, eh bien nous recevons donc Julie Marquet. Vous avez travaillé, vous, sur les établissements français de l'Inde, donc au XIXe siècle. Rappelez-nous, parce que tout à l'heure je ne savais plus les cinq noms des cinq établissements français de l'Inde que nos parents et nos grands-parents apprenaient par cœur à l'école républicaine. Justement. Alors, ce sont Pondichéry, Karikal, Yanaon, Chandernagore au Bengale, à côté de Calcutta, et Mahé au Kerala. Et vous travaillez donc sur ces établissements français de l'Inde depuis la fin du 19e siècle et surtout au 19e siècle pour vous intéresser justement là aussi aux capacités d'adaptation. Mais votre domaine, c'est la justice coloniale. Vous soutenez votre thèse demain, une thèse qui a été dirigée par Marie-Noëlle Bourquet et par Pierre Singaravelu. Et cette justice coloniale trouve à s'appliquer, là aussi, avec des accommodements, pourrait-on dire, je ne sais s'ils sont des accommodements raisonnables, dans ces territoires, justement, français de l'Inde, en n'appliquant pas strictement la loi telle qu'elle est appliquée sur le territoire dit métropolitain. Tout à fait. En fait, je pense que ce qu'il est important de prendre en compte, c'est le fait que la présence française en Inde est une présence ancienne et qui n'a pas procédé d'un phénomène de conquête. 1690, hein, pour Pondichéry. Voilà, et en fait, les Français acquièrent la souveraineté sur des petits territoires en la négociant avec des souverains locaux et ils s'engagent à respecter les us et coutumes des Indiens. Donc dès le départ, ils garantissent le respect de la religion et des manières de faire. Ils s'engagent à juger les Indiens selon leurs propres règles et leurs propres manières de faire. Alors bien sûr, comme dans l'ensemble des colonies, cela ne s'appliquera pas au cas de justice criminelle, mais en matière civile et en matière de conflits coutumiers que j'étudie, les affaires de caste, les Français n'appliquent pas le droit métropolitain. Oui, et donc ça veut dire qu'il y a deux justices, une justice duale, pourrait-on dire, qui s'applique à ces territoires français de l'Inde. Exactement, il y a une justice duale à plusieurs niveaux. D'une part, lorsque la justice criminelle ou la justice commerciale est censée s'appliquer à parts égales aux Européens et aux Indiens, on observe que les peines prononcées ne sont pas les mêmes selon l'appartenance à une catégorie ou à une autre. Et d'autre part, on observe que la justice respecte des manières de faire, des catégories aussi locales, et applique à nouveau des peines différenciées selon, ici, la caste et selon le statut social des individus. C'est-à-dire qu'elle assume une justice distributive, y compris après la Révolution française. Et comment va s'élaborer justement ce système d'adaptabilité d'un système juridique sur un autre, puisque il s'agit bien d'interprétation, de syncrétisme, mais pas d'acculturation, contrairement à ce qu'on pourrait penser justement. Voilà, alors c'est tout l'objet de ma recherche. J'ai cherché à comprendre comment le système juridique était façonné, était négocié, était travaillé et produit par les tentatives de tous les acteurs des conflits. C'est-à-dire que j'envisage les demandes des justiciables et la manière dont ils portent leurs conflits, les demandes qu'ils formulent, comme un moyen, un angle, un outil de construction du système juridique. Les Français, de leur côté, sont très sensibles et très attentifs à ces demandes sociales, d'autant plus qu'elles viennent des élites locales. Ils cherchent des sources du droit local et ils sont tentés, pendant toute la première moitié du XIXe siècle, par le modèle élaboré par les Britanniques, en particulier à Calcutta, qui est le modèle orientaliste. Et avec l'apprentissage de la langue sanscrite et la découverte de textes anciens, les Britanniques ont imaginé qu'un ensemble de textes appelés les Dharmashastras représentaient les codes de loi de l'Inde ancienne et ont décidé de les appliquer dans leurs tribunaux. En 1772, le gouverneur général Warren Hastings décide que les Indiens seront jugés pour les hindous selon les Dharmashastras et pour les musulmans selon la charia. Et les Français ont la tentation de suivre ce modèle et cherchent à le mettre en œuvre dans leurs tribunaux avec des résultats très limités. Oui, et ça c'est dans la première moitié du 19e siècle, parce que vous expliquez bien qu'il y a une sorte de durcissement qui intervient ensuite, après, aux alentours de 1840, il y a un changement d'attitude du gouvernement français vis-à-vis de ces établissements français de l'Inde et de la justice qu'on y rend. Oui, tout à fait. Alors, c'est un des apports importants à la thèse de Jacques Weber, qui avait travaillé sur les établissements français de l'Inde et produit une thèse monumentale. En 1988, c'est ça? En 1987, exactement, une thèse d'État en 5 volumes, qui d'ailleurs fait l'objet d'un travail de réédition et qui sera très utile. Et donc, il montre bien que jusqu'au Second Empire, les établissements français de l'Inde restent dans une situation d'ancien régime, en termes d'administration et en termes de rapport aux populations locales et à l'ordonnancement de la société locale. Plusieurs facteurs expliquent le changement de perspective et en particulier l'amélioration de la situation économique des comptoirs qui est très liée à l'engagisme et au fait que des Indiens partent de Pondichéry vers Bourbon. Mmh. Et le fait que, parallèlement, fin 19e siècle, à la colonisation de l'Afrique, est-ce qu'il y a des changements de paramètres dus au fait qu'il y a un autre vecteur de colonisation qui se met en place des Européens dans un autre continent? Est-ce que il va y avoir des interactions ou pas entre ces deux systèmes? Alors, ils vont continuer à s'opposer diamétralement, entre guillemets. Alors, moi, j'arrête pour le moment le travail en 1870. Donc, pour la fin du siècle, je ne pourrais pas vous dire dès maintenant. En revanche, je vois que l'intérêt pour l'Indochine vient minimiser l'intérêt déjà très faible qu'avait l'Inde pour la métropole. C'est-à-dire que le centre métropolitain a extrêmement peu d'intérêt pour les établissements français de l'Inde, en dehors de ce moment des années 1850. Et d'ailleurs, on va déplacer les centres de décision vers l'île Bourbon, vers l'île de France à un moment. On va donc, d'une certaine façon, désarmer, pourrait-on dire, même au sens propre du terme, avec les militaires qui quittent le territoire de ces établissements français de l'Inde, désarmer ces établissements français de l'Inde au profit des îles de l'océan Indien en particulier. Oui, tout à fait. En 1785, un gouverneur général se situe dans les Mascareignes pour administrer y compris l'Inde française, qui était considérée comme l'Inde française et les comptoirs à cette époque. Et les troupes quittent les territoires indiens, ce qui permet aux Anglais de prendre extrêmement facilement Pondichéry en 1793 et d'occuper pendant la période révolutionnaire les établissements français qu'ils ne restituent qu'en 1816. Et en 1816, le comte Dupuis revient et dit, lorsqu'il revient pour diriger ces établissements français, il dit nous allons rétablir les anciennes et constantes traditions des Indiens. Expliquez-vous, Julie Marquet. Ce qui est extrêmement intéressant dans votre travail, c'est de justement travailler sur cet accommodement, ce travail en commun, pourrait-on dire, des administrés d'un côté et des administrateurs de l'autre, pour ne pas appliquer, disons de façon très sévère, la loi qui s'applique ailleurs sur le territoire du royaume quand nous sommes sous l'Ancien Régime, ou de la République, ou de l'Empire plus tard, mais de trouver des moyens pour que chacun puisse jouer au mieux, d'une certaine façon, avoir une marge de jeu, en l'occurrence, Julie Marquet. Voilà, tout à fait. C'est cet espace de manœuvre, cette marge de négociation, cette possibilité d'expression de l'agencéité ou agentivité ou agency, selon le terme qu'on choisit d'employer, est vraiment placé au cœur du travail et suit en cela les développements récents des études coloniales et dont... Edens Morris parlait également tout à l'heure. On essaye d'envisager plus que l'imposition d'une domination par le haut, désormais l'ensemble des processus de négociation, de composition, d'accommodement et la manière dont les populations locales négocient avec l'État colonial. Un exemple justement pour ces affaires de caste et ces tribunaux de caste, qu'est-ce qui s'y déroule justement, qui ne se déroulerait pas sur dans un tribunal, disons, français de la même époque par exemple? Qu'est-ce qu'on juge et de quelle manière juge-t-on justement, et avec des administrés qui ont le choix aussi de la possibilité de jouer sur les deux systèmes judiciaires en l'occurrence? Oui, effectivement, il y a un jeu des justiciables qui choisissent de porter leur demande devant la justice française parce qu'ils espèrent obtenir plus et obtenir une sanction par le droit de leur demande sociale. Ce sont des demandes qui sont appelées des privilèges par les Français, qui sont refusées dans les tribunaux de l'Inde britannique et qui portent sur le droit de circuler dans toutes les rues de la ville, de porter un parasol, d'avoir des danseuses lors de ces cérémonies ou encore de construire une maison qui aurait un étage ou qui serait construite en briques plutôt qu'en feuilles de palmier. Et donc ça, ce sont des droits que l'on peut obtenir d'un côté, qu'on ne pourrait pas obtenir de l'autre. Mais lorsque, par exemple, il s'agit d'affaires de mariage, par exemple, comment cela se passe-t-il? Va-t-on devant un tribunal plutôt que devant un autre, Julie Marquet? Alors, la justice française est très mal à l'aise avec la question des coutumes indiennes et ne sait pas comment se positionner. Il y a une très grande porosité entre les juridictions et selon les tentatives des justiciables, les conflits de maritalité peuvent être portés devant un tribunal correctionnel, un tribunal civil ou devant le gouverneur. Il joue sur ces possibilités juridictionnelles de manière très marquée. Et finalement, Julie Marquet, tout ce tissu juridictionnel vous permet aussi de pénétrer, d'avoir un point de vue sur la société, à la fois aussi anthropologique, historique. C'est grâce à ces discours-là que vous pouvez donner à voir une situation, en tous les cas, de l'Inde à cette époque. Oui, tout à fait. Les historiens de la justice montrent depuis longtemps que les conflits et les demandes sociales de justice constituent des fenêtres formidables sur les sociétés locales et en particulier dans la société coloniale, dans la mesure où on a très peu d'archives qui nous transmettent la voix des colonisés et les réalités de la société locale. Et ces conflits sont pour moi l'occasion d'avoir effectivement, comme vous le dites très bien, ce regard anthropologique sur la société de l'Inde du Sud au 19e siècle. On voyait ça aussi avec les chercheurs, les historiens, les anthropologues qui travaillent par exemple sur l'histoire de l'esclavage, qui travaillent de plus en plus justement avec les procès qui ont été effectués justement d'esclaves contre certains maîtres. Et ça donne effectivement des fenêtres très intéressantes pour comprendre quelque chose à ces sociétés qui n'ont pas la parole, à ces anonymes. Oui, effectivement, et je pense en particulier aux travaux de Bruno Maillard ou aux travaux de Sue Peabody qui produisent une histoire sociale de la justice et qui permettent d'éclairer d'une nouvelle manière la situation coloniale. Et par exemple, comment les gouverneurs français de ces établissements français de l'Inde au 19e siècle se trouvent-ils en situation facile ou difficile face à ces questions de l'honneur? Par exemple, vous insistez beaucoup dans votre travail de thèse, Julie Marquet, sur ces moments où l'honneur, et une conception de l'honneur particulière, en particulier liée aux relations sexuelles que pourrait avoir une femme, donc à l'adultère, mais cela c'est la même chose dans la société française du 19e siècle. Comment sont-ils, disons, ont-ils un regard différent, justement, d'autres personnes qui gouvernent, par exemple, les établissements britanniques de l'Inde sur ces questions-là? Et en quoi ils sont mal à l'aise par rapport à ces questions d'honneur, Julie Marquet? Alors, ils sont mis mal à l'aise parce que dans toute la première partie du 19e siècle, comme vous le soulignez tout à l'heure, le gouvernement français est faible et cherche un positionnement et cherche une posture et cherche à assumer des formes locales d'autorité et donc décide d'intervenir dans ces questions d'honneur, décide de se positionner comme arbitre dans la continuité de la période précoloniale en assumant le rôle du souverain local. À partir de ce basculement du milieu du 19e siècle, le gouvernement français commence à envisager les demandes honorifiques comme de la chicane, comme des affaires qui relèveraient de préjugés. Et en dehors des cas de maritalité et de relations sexuelles interdites, où là, il se positionne de manière très dure suivant des lignes qui peuvent être des lignes métropolitaines, ils tendent à vider les affaires de leur contenu et à ne plus décider des affaires de caste. Votre travail est ambitieux, en l'occurrence, je l'ai marqué, vous, comme beaucoup de ceux qui interviennent pendant cette semaine, vous vous positionnez par rapport à vos grands anciens, ou grands maîtres en l'occurrence, et en particulier par rapport à ce système mis en place par Michel Foucault sur savoir et pouvoir, et vous insistez sur l'idée qu'il y a donc un dispositif de savoir-pouvoir qui est différent peut-être dans cette région des établissements français de l'Inde, et en particulier cette idée, dites-vous, du non-savoir. C'est quoi le non-savoir pour vous ? Alors, c'est un des résultats tout à fait inattendus de la recherche, puisque je partais avec l'idée très forte que le diptyque savoir-pouvoir était opérant dans l'ensemble des situations coloniales, en particulier dans le cas de l'Inde. Les études postcoloniales et les travaux de Michel Foucault ont énormément influencé les chercheurs que j'ai lus, les travaux de Bernard Cohn marquent des générations d'historiennes et d'historiens. Et en réalité, je me suis rendu compte, dans le cas des établissements français de l'Inde, qu'il n'y avait aucune production des savoirs, que, y compris lorsque des acteurs locaux proposaient au gouvernement colonial, local ou au gouvernement central d'imprimer des ouvrages qu'ils s'étaient donné la peine à leurs propres frais de constituer ou de traduire, ils se trouvaient face à des refus. Cette question du non-savoir est apparue comme une évidence. En revanche, la question du choix l'est moins. Il y a un refus d'édition des ouvrages. Toutefois, il y a un manque de moyens matériels et de budget chronique. Et il y a aussi donc cet environnement matériel, peut-on dire, qui vient limiter les possibilités et qui vient imposer ce non-savoir. Et donc, c'est une des conclusions de votre thèse que vous soutiendrez demain. Vous en souviendrez sûrement de ce grand moment de soutenance. Vous soutiendrez demain. Donc, merci d'être venu avant votre soutenance. Et merci à vos directeurs de thèse de vous avoir autorisé à venir au micro de la Fabrique de l'Histoire, Marie-Noël Bourguet et Pierre Saint-Garavellou. Merci encore à tous les trois. Merci Côme Simien. Merci Edens Maurice. Et merci à vous, Julie Marquet. Nous continuerons demain cette série d'émissions en nous intéressant à l'histoire des femmes et l'histoire du genre. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet, mais également par Marion Dupont. Alexandre Dang était avec nous à la technique aujourd'hui et Renaud Delmar à la réalisation. Edens Maurice, votre thèse, vous avez l'intention de la publier bientôt ? Je l'espère, oui. Voilà, donc on attendra comme Simien et sûrement comme Julie Marquet une publication prochaine de votre travail. Si vous voulez en tous les cas écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, à demain.